Alors, on va passer à la période de questions. Lorsque l'on pense très souvent à des personnes qui sont décédées, est-ce parce qu'ils s'incarnent en nous ou encore parce qu'ils ont de la difficulté à s'incarner en nous? Habituellement, c'est parce qu'elles s'incarnent. Sûr que c'est parce qu'on tombe sur une photo ou autre chose. Habituellement, c'est parce qu'elles s'incarnent. Si je m'intéresse à la loi de... C'est ton cerveau qui s'est chauffé comme ça? Je me surprendrais. C'est là qui climatise. Ça va, il y en a un qui chauffe, l'autre qui climatise. Si je m'intéresse à la loi de la relativité, est-ce que je réincarne Einstein? La personne qui s'intéresse à la loi de la relativité réincarne probablement les individus qui se sont intéressés aux lois de la relativité. Parce qu'Albert Einstein ne s'intéressait pas à la loi de la relativité, il la comprenait, quelqu'un qui, à un moment donné, qu'on trouverait génie, tu sais, on explique un peu toute la mécanique de la relativité, et restreinte ou globale, et puis la personne, elle comprend tout, elle va pas s'amuser là-dedans, là, probablement qu'elle réincarne des mémoires d'Albert Einstein. Mais sinon, on peut réincarner aussi les individus qui se sont intéressés à, etc., etc., qui réincarnent ceux qui l'ont côtoyé ou ceux qui l'ont lu. Daniel, serez-vous celui qui animera la journée en plein air qui aura pour thème les énergies et entités de la nature? Une autre question. Bon, je vais être présent, mais j'anime pas tout. Non, j'anime les animateurs. Pourquoi cet événement a-t-il lieu à Montebello? Parce qu'il fallait que ça ait lieu quelque part. C'est une bonne réponse. Puis l'endroit est un territoire qui est particulier, qui est préparé, qui est choisi, qui est bien. C'est déjà plus précis. Qu'est-ce qu'il y a à Montebello qui n'y a pas au Parc La Fontaine? C'est dehors, ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a au Parc La Fontaine qui n'y a pas à Montebello? Qu'est-ce que ça répond à ma question. Il y a des échanges d'énergie entre deux personnes. Il peut y avoir du têtage d'énergie. Mais quand je peux sentir que je me réincarne en une personne ou quand l'autre se réincarne un peu d'elle, je veux devenir consciente au moment présent et non après. Bon, devenir conscient pendant, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, c'est quelque chose qui se développe. Conscient dans n'importe quelle situation. Par exemple, on peut devenir conscient qu'on est en colère. Quand on est en colère, la colère disparaît. Souvent, on est conscient après. Il y en a qui ne sont pas conscients du tout de l'avoir été. D'autres sont conscients une journée après, deux jours après, une heure après, d'autres cinq minutes après. Dans la conscientisation, c'est-à-dire l'élaboration d'une conscience qui est de plus en plus individuelle, l'individu se rapproche du moment instantané pour prendre conscience de certaines mécaniques. C'est un peu la même chose pour lorsqu'il y a une réincarnation entre l'un et l'autre. Si, par exemple, vous êtes télépathe avec l'autre, il y a une connexion énergétique, il y a une énergie opathie. Donc, nécessairement, il y aura un transfert de l'un et de l'autre de mécaniques réincarnationnelles. C'est rarement dangereux à un niveau où il y a une énergie opathie parce qu'on est en sympathie, on est en symbiose. Ça peut être au niveau mental, ça peut être au niveau affectif, ça peut être au niveau supramental. Il y a une communication qui se fait et parce que si on est capable d'être conscient qu'on est télépathe, qu'on est énergiopathe, qu'on est sur la même longueur d'onde, mais si on est conscient de ça, nécessairement, on filtre tout ce qui va passer. On ne se laissera pas influencer par l'autre. Tant qu'on est ensemble, d'accord, ça nous synergise. Alors, non seulement on se réincarne ce qui nous plaît, mais en plus, on gagne en énergie. Donc, on grandit énergétiquement. Ça a un avantage. Et si la personne commence à dire des choses avec lesquelles on n'est pas en harmonie, bien, immédiatement, on va dire « Ah non, non, non, c'est pas ça. » Ou on va dire « C'est pas ça que je veux dire. » Elle rectifie. « Ah, OK. » On se comprend. Il n'y a pas de danger là. Donc, on est conscient immédiatement. Il faut faire attention. Il y a deux formes de conscience. Une qui n'est pas de la conscience, puis une qui est de la conscience. L'individu qui est toujours en train de dire « Ah là, je suis conscient que… » Il est mort. Il n'est pas conscient de grand-chose. En plus, il ne peut pas continuer à vivre grand-chose. Il est toujours en train d'arrêter ce qu'il vit pour pouvoir dire qu'il le sait, qu'il le vit. Alors que la conscience, c'est un état qui n'est pas conscient. La conscience, c'est un état qui ne procède pas du « Ah, je sais que… » Non. La conscience, c'est un état qui fait en sorte qu'on est intimement présent à un événement. Donc, étant intimement présent à l'événement, on contrôle une partie de l'événement, on filtre une partie de l'événement, et c'est tout. La conscience, je répète, c'est pas par exemple comme « bon, je suis conscient, je suis assis ici ». D'accord? mais tu ne peux plus jouir ou bénéficier du plaisir d'être assis. Tu es conscient que c'est plaisant, mais tu n'as plus de plaisir. Ou tu as du plaisir, mais là, tu peux être consciemment en train de vivre du plaisir, mais tu ne peux pas parler que tu vis du plaisir. À partir du moment où tu y penses, où tu en parles... T'as aussi du bafouille. T'es déjà mort. Ben oui, c'est ça. Tu te réincarnes. Ça me met une barrière. À l'âge de 6 ans, ma mère me faisait remarquer que 6 ans plus tôt, je n'existais pas. Comment expliquer qu'à cet âge, je refutais cette affirmation avec conviction? Ben, parce que... 6 ans plus tôt, vous aviez au moins 9 mois. Ben, vous existiez. Parce que l'être humain, il vient toujours au monde à peu près à 9 mois, hein, tout le temps. Tu sais, quand je demande à quelqu'un quel âge t'es né, là, il pourra rire, il pense que c'est une farce. C'est pas une farce. Il y en a qui sont nés à 10 mois, il y en a qui sont nés à 8 mois. Quel âge t'es né? 9 mois, environ. Ah bon, je pensais que c'était plus prématuré. À plus ou moins 2 mois. Je me souviens pas. Je me souviens pas. Bah, de vous commencer à vieillir. Vous vous rappelez tous à quel âge vous êtes né. Bon. Alors, je suis ça, bon, ma mère, etc. Pourquoi je refutais? Pour la simple raison que pour l'enfant, et souvent, beaucoup d'enfants sont totalement reliés à leur, à tout ce qu'ils ont vécu pendant leur descente, donc leur incarnation. Et ils sont souvent en contact avec la vie, c'est-à-dire qu'ils sont en contact avec le monde de la mort, avec la mémoire de la vie. Ils voient des choses que souvent les adultes ne voient plus, à un point tel qu'on oublie même qu'on les a vues. Ce qui nous permet de mieux accepter l'état du fait qu'aujourd'hui, on ne les voit plus. On parle d'entités naturelles, par exemple. Il y a beaucoup d'enfants qui voient des entités. Il y en a qui vont jouer avec des fées, il y en a qui vont courir après des farfadets. Il y en a, ce sera des gnomes, ils verront des animaux fictifs, ils verront, etc. Puis là, on parle de fantasmes infantiles. C'est drôle, parce que le voyant ou le médium voit aussi des choses du même genre. Et les personnes qui parlent aux plantes, puis qui découvrent que la plante, elle pousse mieux, un enfant qui voit ces choses-là dirait, ben oui, mais quand tu parles à la plante, c'est pas la plante qui écoute, c'est une entité, c'est l'entité qui s'occupe de la plante qui écoute. Puis lui, quand tu aimes la plante, ben tu aimes son travail. C'est comme si je dis, j'aime ta peinture, puis là, je parle juste de ta peinture, je te flatte. Mais c'est toi le peintre. Alors, tu vas continuer à peindre pour moi, pour que je te flatte, en parlant de ta peinture, en parlant de la plante, je flatte l'entité. Ces mécaniques-là existent. Un enfant de 6 ans, même de 4 ans, si c'est Teflon de 3 ans et demi déjà, ça commence déjà à téfloniser ses parents, et ça sait, ça perçoit qu'il y a autre chose. Quand la mère disait, à 6 ans, tu n'existes pas, dans la conscience de l'enfant, qui n'a pas suffisamment d'intellectualisation du monde adulte, ça n'a aucun sens. Et là, on va dire, oui, mais attends un peu. Quand tu seras plus vieux, tu comprendras. Plus vieille, tu comprendras. Et non, quand je serai plus vieux, je ne comprendrai plus. Alors là, ça aura du sens. Est-ce que c'est possible qu'au moment de la naissance, ou que dans ce cas-là, un enfant de 6 ans, il y ait des parties de mémoire d'adulte qui ne soient pas totalement effacées? Je prends l'exemple de mon plus jeune fils, lui, qui était convaincu, puis il l'a encore mis en place. C'est pas la même chose. Il réincarne de l'avenir. Il y a un restaurant, puis c'est où, puis c'est quand, puis c'est comment qu'il est fait. Puis les serveurs dans le restaurant, c'est des hommes ou des femmes? C'est des robots. Et voilà, ils réincarnent de l'avenir. C'est pas la même chose. C'est une autre chose, une autre façon de réincarner. Si on peut réincarner de l'avenir, on reviendra plus tard, mais on peut réincarner de l'avenir. Mais c'est pas seulement à un niveau, c'est plus seulement des jeux d'enfants, ça reste. Mais c'est pas un jeu d'enfant, c'est un jeu d'adulte. Je vois des nuages, c'est un jeu d'adulte. Les nuages sont là. Lui, il réincarne des choses, donc il se rappelle d'une structure, il se rappelle d'un vécu qu'il n'a pas vécu, qu'il a vécu dans l'avenir. Parce que le temps, on parlait de relativité tout à l'heure, hein? Le passé et le futur existent maintenant, instantanément. Donc, on peut voyager dans le temps, dans l'avenir ou dans le passé, par transport séraphique, on peut le faire par voyage astral, on peut le faire de différentes façons. Par réincarnation aussi. Il y a beaucoup de personnes qui réincarnent de l'avenir à un point tel qu'à un moment donné, ils ont l'impression de ne plus être sur la bonne planète. Mais c'est ça. Ils ont des mémoires du passé, ils ont des mémoires de l'actuel présent, et ils ont aussi des mémoires de l'avenir. Et ça prépare certains individus à être transportables ou à vivre. Ça les prépare à l'avenir. À l'âge de 13 ans, je savais de façon sûre ce que je professerais en tant qu'adulte. D'ailleurs, c'est mon activité depuis déjà plusieurs décades. Était-ce prédéterminé? Ah, ben ça, c'est... Vous connaissez la réponse. C'est sûr que c'était prédéterminé. Mais c'est absolument évident. L'humain est totalement... Tant que l'humain n'a pas éveillé chez lui une conscience instantanée, une conscience pure, tant que l'humain n'est pas transparent avec lui-même, tant que l'humain n'est pas anégoïque, tant que l'humain n'est pas totalement sans égo, donc totalement humble, tant que l'humain n'a pas une âme pure, c'est la même chose. L'humain est totalement prédestiné, c'est-à-dire que l'humain est totalement manipulé. Et l'humain est manipulé, et en plus, pour que l'humain puisse supporter la pression que ferait dans sa conscience la vision du fait qu'il n'a pas de libre arbitre, qui est un instrument, tant que l'humain n'a pas la conscience pure, tant que l'humain n'est pas assujetti à sa propre intelligence, là, il développe une liberté. Mais avant cela, tant que l'humain, donc, n'est pas totalement un être nouveau, il est manipulé, et pour garantir à chaque être humain qu'il a un libre arbitre, on a inculqué chez lui des mécaniques lors de la création du contexte humanitaire. On a inclus chez lui des mécaniques qui le prédestinaient, enfin, qui lui facilitaient la tâche de se sentir coupable. La culpabilité, c'est quelque chose qui apparaît sans qu'on le veuille et qui remet en question nos choix et nos décisions. J'aurais dû, j'aurais pas dû, pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi je n'ai pas fait cela. Et cela vient confirmer chez nous l'idée du libre arbitre. Et quand une personne découvre à un moment donné que « Ah, moi, je suis bien trop faible », elle est manipulée, pas trop faible. J'ai encore recommencé, tu vois, j'apprends pas. Non, vous avez tout appris, vous le savez. Oui, mais je peux pas rien faire avec. Exact. Vous ne contrôlez pas votre vie. L'humain est totalement manipulé. La personne ici, il y a beaucoup de médiums qui ont des visions où ils vont voir, par exemple, de l'avenir, et par la suite, ils vont dire « Ça, j'avais raison. J'avais prévu l'avenir. » Mais si on prévoit l'avenir, c'est que l'avenir est déjà là. Donc, on ne parle plus de libre arbitre. Il y a des personnes qui osent même, dans l'incompréhension de leur psychologie, dire « Écoute, ça existe le libre arbitre, c'est quand même moi qui ai décidé d'aller voir le cartomancien. » Le cartomancien, il va te dire quoi, lui? Ton avenir. Donc, si ton avenir est déjà cartomancisable, si ton avenir est déjà prévisible, t'as pas de libre arbitre. On ne dit pas que tu as pris la décision. Quand ton mancien aurait pu te dire, qu'à telle heure, tu vas prendre la décision de faire telle chose. Tu n'as pas rien décidé. Et la personne va dire, et c'est ce que les, à un moment donné, même les astrologues vont dire, les astres inclinent, mais ne forcent pas. Hein? Bon. Alors, à quoi ça sert de prévoir par l'astrologie? Si de toute façon, n'importe quel insecte qui éternue vient tout nous bouleverser l'affaire. Et c'est la grosse problématique de l'humain, c'est que l'humain est totalement confronté quotidiennement à la vision qu'il est totalement assujetti, manipulé, qu'il n'a pas de libre arbitre, avec une vie philosophique, psychologique et émotive, comme quoi il en a un. Et on passe notre vie à regretter la majorité des choses qu'on pense avoir fait, où on ne comprend pas pourquoi on n'est pas capable de suivre un régime, ou pourquoi on est en colère, ou pourquoi on est ceci, ou pourquoi on est cela, pourquoi on fume alors qu'on va arrêter de fumer, pourquoi on achète des billets de loterie et on perd. On ne comprend pas. L'humain manipulé. Quel est l'impact de l'onde de forme, habillement, etc. sur ce qu'on réincarne? C'est assez important. Ça fait partie des mécaniques, de toute façon, de contrôle de ce qui se réincarne chez soi. Ce qu'on doit comprendre quand on parle d'onde de forme, premièrement, c'est toutes les ondes, et tout est lumineux, tout est construit d'énergie. Avec l'explosion d'une bombe nucléaire, on sait que dans la matière, il y a énormément d'énergie. On sait que la lumière, c'est de l'énergie. Et quand on parle d'onde de forme, on parle de tout ce qui, dans l'énergie, est émis ou réfléchi, donc rayonné ou réfléchi par une forme, un objet, par exemple, ou un être humain, et qui va vers vous. Maintenant, ce qui est très important, c'est que la majorité des ondes de forme qui viennent vers nous sont colorées par l'onde de forme que nous avons émis. On appelle cela une onde de forme de retour. C'est quand même un peu compliqué. J'en parle beaucoup dans le livre « De la naissance à la mort ». À un moment donné, c'est ceux qui l'ont, ceux qui vont se le procurer, il y a suffisamment de pages pour pouvoir clarifier un peu avec des dessins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je regarde la lampe ici, et la lampe, je ne peux la voir que parce qu'il y a de la lumière. C'est-à-dire que s'il n'y a aucune lumière dans la pièce, vous ne voyez plus rien. Donc, vous voyez les choses parce qu'il y a de la lumière. Mais vous voyez les choses parce qu'il y a des différences dans la lumière. Les différences dans la lumière sont de deux ordres, la couleur et l'ombre. Donc, on peut voir la lumière en trois dimensions parce qu'il y a des couleurs différentes et dans les couleurs différentes, il y a des teintes différentes. Ici, on dirait par exemple chez jaune, mais ou brun, il y a un brun plus foncé, un jaune plus pâle, un jaune brun, etc. C'est ce qui nous donne la vision du papier autour de la lampe. L'onde de forme de la lampe, c'est ce que la lampe dégage. L'onde de forme de la lampe est donc la lampe elle-même. La lumière qu'elle rayonne, celle de l'ampoule, la lumière qu'elle réfléchit la lumière amenée par les autres lumières dans les autres lampes dans la pièce. Le bras, qui est en laiton, plaqué ou non, qui est en laiton, et tout ça au complet, c'est une onde de forme. L'onde de forme de la lampe vient vers nous et c'est de l'énergie. Et cette énergie est comme un aliment, ça nous nourrit. Exactement, lorsque vous mangez, par exemple, de la viande, vous mangez de la viande qui était constituée à même des végétaux. Parce que si on mange du bœuf, le bœuf est herbivore. Mais mangez de l'herbe pour le plaisir. Vous ne pourrez pas le digérer. Alors, la vache va digérer l'herbe pour nous, et nous allons digérer la vache pour elle, hein? Oui, parce qu'elle va pas se digérer. Ça, on ne dit pas au départ. C'est la même chose pour l'onde de forme. Il y a des ondes de forme, disons, alimentaires. L'herbe, qui n'est pas digestible par nous. Alors, la vache va le digérer, et ce que la vache va exprimer de l'herbe elle-même, sa musculature, etc., nous, ça, on pourra le bouffer. La même chose pour l'onde de forme. Il y a beaucoup d'énergie, des énergies cosmiques, des énergies lumineuses, des énergies telluriques, des énergies émises par la Terre, qui ne sont pas assimilables par nous. Il y a des énergies qui viennent du monde de la mort, des religions, des énergies qui viennent du monde de la mort, des égrégores, des métiers, des systèmes politiques, des systèmes ethniques, etc. Alors, ces énergies ne sont pas tous assimilables par nous. Par contre, ils peuvent être prédigérés par des formes. Alors, la lampe, elle reçoit des choses, de la lumière, par exemple. Je vous donne un exemple. Vous voulez vous réchauffer physiquement. La lumière, ça ne réchauffe pas. Mais la lumière du soleil qui frappe la Terre est altérée. Une partie est absorbée, et ça sera ce qui va manquer dans la lumière. Et là, il y aura une grande partie de la lumière qui sera transformée en infrarouge. Et ça, ça va nous réchauffer. Quand le soleil traverse les nuages, ça traverse les nuages. Sur la planète Terre, ça se transforme en infrarouge. S'il y a trop de nuages, l'infrarouge ne traverse pas les nuages. Et c'est l'effet de serre. La lumière traverse le gaz carbonique sans problème. Transformé en infrarouge sur le plan planétaire, l'infrarouge ne traverse pas le gaz carbonique. D'où le problème de la pollution par le gaz carbonique et l'effet de serre. Donc, il y a une prédigestion par la planète Terre et ça va nous créer de la chaleur. On aura chaud. C'est bon. L'onde de forme, c'est la même chose. Mais la problématique, ou l'avantage, dépendamment si on sait ce que l'on fait ou non, c'est que vous émettez tous des ondes de forme. Et dans l'onde de forme que vous émettez, ça se mélange à tout ce qui nous entoure et ça revient. Mais ça revient souvent coloré, surtout par l'onde de forme que nous avons émise. C'est là l'onde de retour. Alors, moi, par exemple, je m'habille d'une certaine façon. Je vais dans... Je donne des conférences souvent dans des écoles, dans des universités, des choses comme ça, au niveau de la psychologie. Quand j'arrive dans ces régions-là, je m'habille d'une façon qui me plaît, comme aujourd'hui, par exemple. Quand je rentre là, j'ai une onde de forme, ce que je dégage, j'ai une onde de forme particulière, qui, elle, vient colorer tous ceux qui me reçoivent. Et ça ajuste les gens à ce que je suis. Mais là, eux ont aussi leur onde de forme. Ils dégagent une onde de forme qui va faire en sorte que moi, consciemment, je vais donc connaître les individus en fonction de ce qu'ils dégagent, par leur parole, par leur regard, par leur habillement, par leur façon de marcher, par leur façon de se tenir. Et je vais aussi pouvoir ajuster certaines choses de ce que je suis à ce qu'ils sont. Mais ce qui va arriver, c'est que progressivement, l'onde de forme que je dégage étant un peu plus puissante que la leur, eux vont progressivement s'ajuster à la mienne. Ça veut dire qu'ils vont me reconnaître une autorité que dans mon langage j'ai, mais qu'en tant qu'inconnu, je n'ai pas pour eux. Ça ajuste. Vous allez vous trouver un emploi pertinent, particulier, vous arrivez habillé tout croche, mais l'onde de forme que vous allez dégager ne pourra pas ajuster l'employeur à votre qualité, à ce que vous êtes. Et il peut ne pas vous engager. Ce qui serait terrible encore, c'est quand on va vous dire « D'accord, je vous engage, je vais commencer demain. » Vous arrivez le lundi matin, puis il vous dit « Bon, là, tu te coupes les cheveux, tu te rases la barbe, tu sais, tout ça. Il n'aura plus me dire ça avant. » Lui ne s'est pas fié à l'onde de forme vestimentaire. Il n'a pas la conscience de le faire. Peut-être que tout ce qu'il s'est dit simplement, c'est « J'ai besoin de gros bras » ou encore « J'ai besoin d'une secrétaire » ou etc. ou d'un secrétaire. Puis quand vous arrivez là, il vous dit « Maintenant, vous allez changer votre onde de forme, elle ne va pas dans la boutique. » Puis là, ben là, ça ne va pas. Je me serais pas engagé si bon. L'onde de forme, donc, c'est extrêmement important. L'onde de forme fait ceci. J'émets. Et tout ce qui s'approche de moi est attiré par mon onde de forme. Je donne un exemple. Je vais m'habiller comme je suis, dans une salle particulière, dans un hôtel ou dans un club sportif, etc. Les gens qui vont venir autour de moi, c'est des gens qui vont être en harmonie avec mon onde de forme. Les gens qui ne sont pas en harmonie avec mon onde de forme ne viendront pas. Donc, j'attire vers moi des individus qui, psychologiquement, vibratoirement, énergétiquement, sont conçus pour résonner à ma présence. Dans le monde de la mort, dans l'astral, au niveau des processus réincarnationnels, ce sera la même chose. Mon onde de forme va faire en sorte que je vais attirer vers moi des mémoires qui auront le plaisir de s'incarner chez moi pour bénéficier de l'onde de forme que je dégage. Donc, si j'ai un corps physique en santé, je vais attirer des mémoires qui vont faciliter l'entretien de mon corps physique en santé. Si je commence à faire du sport, c'est pas long que je trouve ça dur, ça pue, c'est vache, ça ne tente pas. Après un laps de temps, je réincarne des mémoires de personnes qui ont fait du sport, et plus ça va aller, plus ça va devenir facile d'en faire. Si j'arrête pendant un an ou deux, ces mémoires-là, plus nourries, vont finir par s'altérer, et je vais réincarner des mémoires de personnes qui n'en font pas, puis pour recommencer, ça sera compliqué. Et ce qui va arriver, c'est que je me dis, tiens, je vais recommencer, puis je recommence chaud trop vite. Les mémoires de ce que j'étais et des sportifs que j'ai réincarnés quand j'ai arrêté, ils sont là. Alors, quand je recommence, ils veulent partir du départ, eux. Puis ça devient un danger. Alors, l'humain doit maintenant mentalement se dire, je vais recommencer progressivement. Puis là, la partie de l'ego qui réincarne ces parties, les parties sportives, ça veut aller vite, il faut qu'on contrôle. Donc, l'onde de forme que nous dégageons, notre parole, notre langage, le verbe, l'énergie de la parole, notre façon de procéder, de nous tenir, de parler, de jaser, le vêtement, la façon dont on le porte, très important. C'est facile de s'habiller d'une façon, puis de le porter d'une autre façon. Tout ça fait en sorte que, dans l'astral, comme dans la vie, on attire vers nous des individus qui sont en affinité avec ce que nous, finalement, voulons être, si mentalement, consciemment, nous réglons la mécanique de l'onde de forme. Sa maison, son automobile, ses vêtements, tout ça au complet sont des ondes de forme qui vont agir énormément sur ce qui va venir s'incarner. On va revenir, de façon, dans une autre conférence sur la mécanique, mais effectivement, l'onde de forme, c'est l'une des grandes clés de la gestion de ce qui s'incarne chez nous. Vos enfants, par exemple, s'habillent collectivement, bien, ils vont vivre des phases d'évolution collective. Là, la mode est au fluo, aux oreilles fluo, ils veulent avoir les oreilles fluo. Ben, c'est évident qu'à un moment donné, quand la mode sera à la drogue, ben, ils vont se droguer aussi. Quand la mode sera à autre chose, ils vivent des phases collectives parce qu'ils autorisent, en ayant la mode collective, la réincarnation du collectivisme des enfants de leur âge, et nécessairement, ils vont vivre des phases similaires. Si on est capable, par exemple, d'instruire son enfant à être lui, mais là, il ne connaît pas ça, lui va dire « oui, mais je veux avoir telle chose parce que j'aime ça ». M'as-tu remarqué que tu aimes ça uniquement parce que maintenant, tout le monde aime ça? C'est ça. Et c'est vrai qu'il aime ça parce qu'il réincarne la collectivité. Mais on doit s'arranger pour progressivement l'instruire, pas le forcer, l'instruire, l'imprégner et de temps en temps parler, l'instruire de l'intelligence et de l'importance d'être totalement individualisé de la masse pour qu'il puisse se développer lui en tant que ce qu'il est. Et là, il pourra de toute façon développer à peu près uniquement que ses qualités. Et il ne vivra pas toute la... Il ne sera pas normal, en tout cas. Il va être naturel. Si nous sommes des êtres de mémoire, n'y a-t-il qu'une seule interprétation de notre monde par cette mémoire et quelle en est son essence? Bon, l'être humain, astralement parlant, psychologiquement parlant, amiquement parlant, égoïquement parlant, c'est la même chose, est effectivement un être de mémoire. Et à la question, on peut répondre que oui, si on regarde au niveau des vieux archétypes, par exemple l'explication de la présence planétaire, il y aura toujours un Dieu, plus ou moins Père, qui aura créé à un moment donné la Terre. Et on a dans toutes les théologies, qu'elles soient romaines, grecques, qu'elles soient égyptiennes, qu'elles soient même d'aujourd'hui, dans des religions qui sont encore préhistoriques, ou dans les religions très affinées aujourd'hui, on a toujours les mêmes genres d'explications. On a une cosmogonie qui est à peu près universelle. Il y a toujours des nuances à l'intérieur, mais c'est assez universel. Donc, effectivement, l'humain explique la présence planétaire à peu près toujours de la même façon, avec des altérations en fonction du milieu et de l'évolution des sociétés. Quand on fait affaire à de l'intelligence, quand on a accès à l'intelligence instantanée, là, on peut cheminer dans différents points de vue, puis ça devient pas mal différent. Le moi ne serait-il qu'une mémoire utilitaire pour expérimenter le monde de la matière? Bien, c'est totalement évident. Mémoire et matière sont-elles une? Absolument. Absolument. La matière, si elle ne se rappelle pas de sa forme, elle n'est pas là. la génétique de la mémoire qui fait en sorte que nos lignées familiales sont capables de se rappeler, de se reconstruire. On prend le gland d'un chêne, et puis le chêne est dedans. Il n'est pas exprimé, mais il est totalement là-dedans. Plantez le gland, vous allez voir à un moment donné qu'il y aura un chêne avec les branches, les ci, les ça. Et chaque chose est déjà prédéterminée. Et on va dire, oui, mais si par exemple, il y avait une clôture de métal qui accotait le chêne va s'adapter à la clôture. Mais c'était déterminé que le chêne devait être de telle sphéricité, comment il était pour être rond. C'est sûr que s'il y avait une roche, donc le milieu va venir changer un peu la génétique de notre chêne. Mais le nombre de branches, la quantité de feuilles, ah, après ça, il y aura des chenilles qui vont venir, etc. C'est le milieu. Et ça va lentement altérer notre chêne. Mais il est déjà préconçu. Alors, c'est la matière, elle est totalement mémoire et elle est une quantité de temps pour les individus érudits. Puis le temps d'une quantité de matière. Lorsque l'on canalise l'énergie supplémentaire et que l'on a accès au savoir instantané, est-ce que l'on est parfait puisque l'on sait tout? Attention à ce que tu vas dire. C'est pas de la manipulation, ça? Oui. Est-ce que tu as dit libre arbitre? On sait tout ce qu'on a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'on le sache. Premièrement. Et deuxièmement, maintenant, on est parfaisable. On n'est pas parfait. On est parfaisable. Il reste le corps physique qui, hélas, provient du passé. Il est à améliorer. Il reste notre corps vital qui est à améliorer. Il reste le corps astral qui est à purifier, donc l'ego, etc. Vous savez, à un moment donné, il faut qu'on en arrive à vivre d'une façon où on ne souffre plus. C'est nos mémoires qui souffrent. Si on se rappellerait de rien, hein? Bon, c'est sûr qu'on ne pourrait pas rentrer chez soi, d'accord. Mais on n'en souffrirait pas, on ne se rappellerait même pas qu'on a un chez soi. En plus, on dit « il fait froid », oui, mais à chaque fois qu'il fait froid, tu l'oublies qu'il fait froid. Donc, tu n'as même pas le temps de conscientiser que tu gèles. Tu vas geler, mais tu ne souffriras pas. Quand on a un savoir instantané, on a accès à de la mémoire akashique, donc à la mémoire planétaire. Ce qui fait que je ne me rappelle pas où je reste, mais je peux savoir où je reste. C'est comme différent. Et à un moment donné, je sais où je reste, mais je ne m'en rappelle pas. Donc, je suis libre de la mémoire, j'ai certains avantages, c'est que si quelque chose arrive, je ne peux pas l'expliquer en fonction de mon éducation. Je n'ai pas de mémoire. Je ne peux pas l'expliquer en fonction de la tradition. Je n'ai pas de mémoire, même pas réincarnationnelle. Donc, je ne peux que l'expliquer en fonction de l'instantanéité du contact que j'ai avec la chose, ou avec l'événement. Et c'est ce qui aussi me permet de dire que je peux changer d'avis n'importe quand. Pourquoi? Parce que dans 2 ans, je peux dire des choses totalement différentes de ce que j'ai dit aujourd'hui, uniquement parce que les événements sont différents. Je suis différent, donc ce que je dis est énergétiquement différent. Alors, celui qui est dans la mémoire, celui, par exemple, qui à un moment donné fait de la politique, qui fait des conférences, ou devient un gourou, un maître, un prêtre, ou etc., bien, sa grosse problématique, ça sera qu'à un moment donné, plus il aura parlé, plus il aura écrit, plus il aura promis, bien, s'il découvre que c'était pas ça, il ne pourra pas changer. Si lui, il n'a pas de mémoire, les électeurs en ont. C'est ça. Alors, est-ce qu'on est parfait? Ça veut dire que notre premier ministre est peut-être en contact avec l'énergie supplémentaire parce qu'il n'y a pas de mémoire. Mais au Québec, il y a eu beaucoup de phénomènes. Le Québec est un des territoires les plus supramentalisés. Et puis, il y en a qui n'ont pas de mémoire, il y en a qui ont conscience quand même. C'est pas pareil. Mais il y a énormément d'énergie supramentale au Québec. On l'a vu par l'application des mouvements des Forces armées canadiennes. Moi, j'avais expliqué certaines choses au départ, une conférence réservée aux séminaristes, je crois, mais quand même, où j'avais dit que ce qui se passait ici à Oka, c'est le golfe d'Oka, il y avait le golfe persique là-bas, et que les deux golfes avaient des similitudes évidentes, et que c'était la même mécanique qui se passait là. En fonction de comment se réglerait la problématique à Oka ici, il y aurait une atténuation majeure des phénomènes apocalyptiques dans la décennie qui vient. Et il y aurait une correspondance à un moment donné aussi avec le golfe là-bas. Ici, ça s'envenime là-bas. Quand ça veut s'arranger ici, là-bas, ça parle d'arrangement aussi. C'est évident que il peut y avoir encore des affrontements, mais chaque barricade levée sans effusion de sang, c'est comme une bombe d'énergie supramentale à l'échelle du Québec. On parle donc de supramentalisation. C'est très, très, très, très bien. Parce qu'il faut comprendre des considérations. Certains disent, ah oui, mais qu'est-ce qu'ils leur ont promis? Qu'est-ce qu'ils leur ont donné? Ils ont fait ci, ils ont fait ça. L'idée n'est pas là. C'est qu'on a la seule force te frappe, la seule force militaire dans l'histoire de toutes les humanités qui, mandée sur un territoire où il y a un conflit, ne se sert pas de son ego et de ses armes pour le régler. C'est pas les politiciens qui ont dit « Ah, elle te sait essayer de bûcher dessus ». C'est l'armée qui, finalement, en fait mieux que les politiciens. Puis, c'est la politique qu'ils ont fait, donc peut-être qu'ils ont laissé des choses en arrière. Ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, c'est que la pire espèce d'humain dans les sociétés, ça l'a toujours été, l'armée et la police. Bon, l'armée, tous les pays gouvernés par l'armée sont des pays où les gens crèvent de faim, où les gens sont massacrés, sont tués. La police est de connivence, c'est police militaire, police secrète, police gouvernementale, police politique. Continuellement. Et je ne dis pas que les individus sont pourris, je parle de la structure. Et là, on a une force militaire qui vient s'implanter ici. La Sûreté du Québec a fait ce qu'une police fait. Bon. Et elle a été détestée par les Amérindiens, elle a tapé sur les Blancs, elle a été détestée par les Blancs. Je ne parle pas des policiers. On parle de l'égrégore qui manipule les individus. Bon. Et les Indiens n'ont pas peur de l'armée, ils ont peur de la police, etc. C'est comme un système de répression. On fait venir l'armée. C'est la répression au-delà de la police. Et l'armée qui arrive là s'implante, ils avancent, ils reculent, ils sont anégoïques. Il y a eu des confrontations entre certains, entre des lasagnes, entre autres, entre des Amérindiens qui viennent carrément devant certains soldats. Puis ils les injurent, ils les engueulent, ils font tout ce qu'on voudra. Le soldat agit comme un guerrier supramental. Mais là, on va dire, oui, mais c'est parce que ça donne qu'il faisait partie de la garde rouge à Québec, donc il y avait eu un entraînement. Hey. Alors pourquoi lasagne est allé écœurer le seul dans l'eau qui avait un entraînement comme ça? Voilà, c'est des belles manipulations, il ne savait pas qu'il faisait affaire. Oh, il en écœurait un autre à un moment donné, un major, il n'y a pas eu plus de résultats. Mais ce qu'on doit comprendre simplement, c'est qu'on est né dans le bon pays, hein, dans la bonne province, parce que les forces armées canadiennes là, c'est des Québécois, en majorité qui ont été là. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que, on peut dire ce que l'on voudra, mais historiquement, dans toute l'histoire de l'humanité, jamais une force militaire s'est pointée dans une région où il y avait un conflit, des jeunes qui ne sont jamais battus, puis etc., et où on va décider qu'on ne se bat pas. À un moment donné, il y a des femmes qui sont venues attaquer des soldats, puis un soldat qui répond, ben oui, mais écoutez bien, taper sur des femmes et des enfants, c'est vraiment pas de l'honneur, tu sais. C'était pas une question d'honneur bâtard. C'était simplement, vous nous dites pourquoi on ne s'est pas défendu. Il n'y a pas grand-chose à se défendre, tu sais. Bon, ils ont poussé un des barbelés, il s'est blessé un peu, après ça, ils sont partis. C'est tellement plus logique. Bon, là, c'est évident que progressivement, la pression populaire du Québec, qui en aura le bol, commence à venir manipuler certains soldats. Et eux commencent aussi à en avoir le bol. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que l'intelligence a laissé sa marque, a fait sa trace. Ça ne veut pas dire que les soldats sont en contact supramental. Ce que ça veut dire, c'est que le Québec est en contact supramental. Probablement une grande partie du Canada. Alors que les premiers ministres ont été joués au golf. Sur un autre golf. Évidemment, il y a trop de trous aussi là. Celle-là, hein? Les trous sont... Moi, c'est là que je vais aller jouer, en tout cas, quand ça va être fini, parce que t'es sûr... Ben, c'est sûr d'avoir ta balle à rendre dans les trous. Tu tapes n'importe où. Mais tu lèves le drapeau moi, tu lèves la balle à rendre, tu le mets là. Bon. C'est un test très intéressant. Les Indiens sont très brillants. Il y a toujours des problématiques, évidemment. Il y a des criminels, il y a une mafia amérindienne qui est à l'intérieur de cela, etc., etc., etc. On assiste à quelque chose de génial. On va dire, on n'a pas les gouvernements, ni du côté des Indiens. Ils sont totalement, il y a 25 gouvernements en même temps, puis à chaque jour, ils réveillent une tradition. C'est sûr, ils réincarnent le passé, comme je l'ai expliqué, c'est donc tout à fait logique. Mais même nos gouvernements sont problématisés. Mais ça, c'est simplement pour pouvoir permettre de vérifier à quel niveau est rendu le Québécois. Bon, si tout est croche, qui devra régler ce qu'il y a de plus haut dans l'humain? Ben, ce qu'il y a de plus haut dans l'humain est parvenu à régler. À Châteauguay, certains disent « on va se venger ». La majorité disent « il faut s'arranger pour vivre en paix ». On ne sait pas comment. Même s'il y aurait des conflits après, c'est pas grave. Le conflit sera une résultante d'une manipulation sociale. Mais les individus ne sont pas d'accord pour. Ça, c'est merveilleux. En Irak, on a des personnes qui disent, qui sont pour le fait que Bagdad ait envahi le Koweït. Il y a des personnes qui disaient dernièrement, ben oui, mais ils ont tué plein de Kurdes avec des bombes chimiques, ils ont tué plein de monde. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder de notre général. C'est les routes qu'il a fait construire dans le pays, c'est les aéroports, c'est... Ben oui, on va toutes les tuer, puis après ça, on dira, hey, on a des navettes spatiales. Et ça, il faut qu'on regarde. Il y a une grosse nuance dans la conscience. Dans la conscience des humains à l'échelle de la planète, dans la conscience d'un petit peuple apparemment bâtard dans la vue de bien des gens qui a un conflit majeur. Puis c'est une armée, l'armée canadienne. Ben oui, c'est évident, on appartient au Canada, mais c'est des Québécois dans l'armée, puis c'est des Français qui sont venus parler. Il y a eu un général génial, un brigadier général qui parle anglais, qui est un Canadien anglais, parfaitement génial. Puis on a eu d'autres en dessous qui sont totalement français. Parole juste, puissante, pas d'astralité. On est sur la bonne place. Ça, c'est évident. Puis quand on regarde tout le phénomène de, tu parlais de supramentalisation, justement, des territoires, ben c'est de plus en plus supramentalisé. Puis ça n'a rien à voir avec la résultante politique ou sociale. Parce que disons, par exemple, qu'à un moment donné, on aurait des chefs blancs ou des chefs amérindiens plus pervertis. Parce qu'il faut comprendre une chose. Toutes les forces planétaires sont totalement contre et opposées à ce qu'un jour s'installe la paix et le bien sur la planète. Donc, un individu qui travaille vers une chose pacifique travaille contre l'humanité. Bon, c'est pourquoi les bons partent en premier, c'est pourquoi le mal gagne tellement plus facilement que le bien, parce que finalement, on dit tout le temps que le bien finit toujours par battre le mal. Bon, en tout cas, ça fait quelques millions d'années que ça s'essaye, hein, puis le mal est toujours totalement présent. Il n'y a pas un seul pays, il n'y a pas une seule nation, il n'y a même pas une seule famille, il n'y a même pas un seul être humain qui est en paix avec lui-même. Le bien n'a pas gagné souvent. Alors, toutes les forces planétaires sont contre. Pourquoi? Ce sont des forces mémorielles. La force mémorielle fait tout pour que jamais s'installe le neuf. Le neuf, c'est l'intelligence prémentale, c'est l'écologie, c'est bon, des choses qu'on n'a jamais connues, quoi. Et tout ce qui s'est passé, par exemple, au niveau des forces armées canadiennes et des Mohawks, parce que même les Indiens, on ne peut pas cracher sur les Indiens, parce qu'eux-mêmes ont commencé à un moment donné à défaire les barricades. Ils ont chez eux, même s'il y a eu des ententes militaires, c'est une entente de respect. Et c'est même ce qui a été ramené à un moment donné. C'est partie d'intelligence, le respect. Hein? Sinon, la haine ou l'amour, c'est sans respect. L'amour intelligent, le respect procède de cela. Il y a eu un respect, on va dire, du drapeau, à un moment donné, un respect des noms de forme, un respect d'un égrégore qui aurait pu massacrer des égrégores pour faire mal à bien des gens. Bon, que ce soit le drapeau des anciens combattants du Vietnam, le drapeau même du Vietnam, des choses comme ça. On doit observer des choses, et puis, par exemple, ça finirait dans un bain de sang prochainement à Oka. Il y a eu une espèce de purge qui s'est faite. Ceux qui restent là ne sont pas nécessairement les plus beaux. Et ils peuvent parvenir à faire briser l'esthétique à travers le reste des Québécois ou des soldats qui sont là présents. Le résultat social n'est pas déterminant nécessairement de ce qui habite l'individu. Mais ce que l'individu veut est déterminant. Tout le monde voulait l'armée. Quand l'armée s'est pointée, les gens, l'armée a dit « on aimerait qu'il n'y ait pas d'effusion de sang ». La majorité était d'accord. C'est sûr que quand les barricades ont commencé à tomber à Châteauguay, il y a beaucoup de personnes qui étaient déçues. Ah oui, l'armée n'a pas cassé la gueule aux Indiens. Mais bon, le pont est ouvert, puis encore tout est réglé. Ben, là, comme ça, au niveau de ce que les gens demandaient, puis il y en a qui disent que c'est une demi-victoire. Tu comprends? Bon, on doit comprendre simplement qu'il y a... Ça peut là, on va poser la question à Charles après. Il y a... une supramentalisation puissante qui se fait à l'échelle du Québec et ce qui fait en sorte qu'il y a ici, dans l'histoire des humanités, des phénomènes qui sont totalement nouveaux. Socialement, c'est bien. On est dans un autre ère. Nostradamus dit que la seule chose qui pourrait éviter la Troisième Guerre mondiale, c'est que l'homme devienne intelligent. Ben ça, c'est évident. Il n'y a pas un être intelligent qui va faire une Troisième Guerre mondiale. La problématique, c'est que ça a toujours été le lot du contexte planétaire, c'est que les êtres intelligents ne sont pas nombreux et ils ont à se battre, ils ont à se défendre, à se confronter au reste de la planète. Parce que c'est facile de dire, ben oui, on n'a qu'à... Ben, ils ont juste à comprendre. Il y en a plusieurs présentement, comme il y a une religion, entre autres, qui est très bonne, qui dit que la seule façon de rejoindre Dieu, c'est de mourir sur un champ de bataille en tuant des infidèles. Avec ces gens-là, tu ne peux pas faire de pourparlers. Alors, c'est ça qui est la problématique, c'est que Nostradamus a raison, mais il s'est trompé dans plusieurs points. Et là, tu aurais de l'intelligence quelque part sur la planète, puis parce qu'il y a de l'intelligence là, qu'est-ce que ça veut dire que... Ben, ça veut dire que ça dépend comment ils sont bâtis les autres. Eux, ils ne peuvent pas parvenir, selon eux, à de l'intelligence, ou à être sauvés, ou à être divinisés, autrement qu'en tuant tous ceux qui ne procèdent pas de la même obédience théologique. Donc, ils rentrent en guerre pour te tuer. Tu fais quoi? Ben, tu te défends. Puis dans la défense, ben, de temps en temps... Mais il y aura d'autres structures prochainement. Il y aura un pilonnage du monde astral, il y aura bien des trucs. Il y aura une façon nouvelle de mener des guerres. Sans qu'il y ait toute la problématique des guerres qu'on a connues dans le passé. Mais ça fait partie, ça, de... C'est une forme d'instruction, finalement. Mais ça fait partie d'une forme d'instruction élitique pour plus tard. Il y a une personne qui avait une question. Peut-être que c'est pour la répéter. C'est là encore une question. Oui, c'est bon. Le père que j'ai est mort d'une crise cardiaque. Physiquement, j'approche cet âge, je commence à ressentir autour de la cage thoracique des prémices de douleur. Que faut-il que je fasse? Bien, il faut tout faire pour faire ce que le père n'a pas fait, c'est-à-dire que, bien, s'il buvait pas, vous commencez pas à boire. Mais ce qu'on doit faire simplement, c'est qu'on doit commencer à faire, comme n'importe quel être humain devrait faire dès le départ, entretenir son corps physique. Donc, on doit commencer à faire peut-être du yoga, il lui en faisait pas. T'sais, on fait des petites choses pour améliorer le corps. La génétique est déjà en train de déjà inscrite, c'est une problématique. Mais on doit s'arranger pour contourner, améliorer progressivement, tant pis, y aller graduellement. Mais tout faire pour pouvoir dévier totalement de ce que notre père a fait quand lui a commencé à vivre ce genre de choses-là. En fin de semaine, ma soeur était chez moi. Elle n'arrêtait pas de parler et ça m'étourdissait. Que se passait-il énergétiquement? Énergétiquement, ce qui arrivait, c'est que toutes les énergies qu'elle communiquait, c'est des énergies que votre ego ne pouvait assimiler. Donc, c'est des énergies qui venaient heurter le périsprit de l'âme et donc qui venaient heurter votre âme. Pas l'ego, l'ego ne l'absorbait pas. Mais par contre, ça créait chez vous des mouvements dans vos mémoires expérientielles. Continuellement, vous essayez de voir à quoi ça peut servir, où ça peut aller, etc. Mais ça, c'est inconsciemment. Et à un moment donné, ben, tout de chez nous commence à s'étourmer. Puis quand on est étourdi, c'est pas physiquement, mais à un moment donné, on aura le bol. Ben, c'est ce qui arrivait simplement, c'est que la personne, elle créait un mouvement dans la mémoire expérientielle, dans les mémoires volatiles de la personne. Ce qui fait que même nous, on finit par être aussi perdus que celle qui jase. Si ce n'est pas nous qui choisissons notre incarnation, qui alors l'a choisi? Le corps physique. C'est le corps physique qui attire ce qui va aller dedans, et ce qui va dedans avec le corps physique devient nous. C'est comme ça que ça choisit. Si on a un peu plus de temps vers la fin, on pourra revenir sur la question. Je relaxe entre 13h30 et 16h depuis 2 semaines. Je vois sur écran noir des visages très clairs. Qui sont-ils et que dois-je faire? Le plus loin que vous pouvez aller, c'est de les regarder. Mais si ça se met à parler ou etc., fiez-vous pas là-dessus, faites-vous-en pas, vous savez pas d'où ils viennent non plus. C'est pas parce que ça vient d'une façon bizarre que c'est génial. Hein? Imaginez qu'à un moment donné, on va dans un pays sous-développé, puis on arrive là en deltaplane, et ils vont nous prendre pour des dieux. Mais s'ils savaient. Alors, faut faire attention aux choses qu'on voit. Et, bon, je vois sur un écran noir des visages. Qui sont-ils? Ce sont en majorité ce que souvent les personnes appellent soit des entités, des guides de lumière, dépendamment de ce que l'entité vient vous dire. Quand l'être humain est mort, il a une forme vitale, qu'on parlait tout à l'heure de corps vital, de périsprit. Ça va dans le plan moronciel et ça vient s'estomper sur le monde de la mort et là, l'âme pénètre. Et c'est là qu'elle sera un peu dissoute. Ce qui est là a une forme particulière, c'est de l'énergie vitale, donc moronciel. Et c'est souvent ça qui va revenir quand on fait du Ouija ou quand on voit des choses comme ça. Mais de temps en temps, on peut aussi simplement en voyage astral voir le visage d'autres personnes qui sont sur la planète. Daniel, qu'en est-il des adultes qui n'auront jamais d'enfants du long de leur vie concernant leur réincarnation? Et les parents de ces enfants, comment se réincarnent-ils après le premier jusqu'au dernier? Bon, beaucoup de ces adultes vont se réincarner dans les enfants de leurs frères, sœurs, cousins, cousines, etc. Donc, dans la lignée familiale de toute façon. Et beaucoup se sont déjà incarnés ou ont préparé leur incarnation à travers des enfants qu'ils ont côtoyés ou à travers les adultes qu'ils côtoient. Ce qui fait que ne pas avoir d'enfants n'est pas un problème à la réincarnation parce que si vous n'en avez pas, votre famille en a un bon nombre. Et à travers tous les mélanges de consanguinité qu'il y a eu, on est mélangé, ce qui fait qu'on n'a vraiment pas à s'en faire à ce niveau-là. C'est sûr que quand on a un enfant et que l'enfant est à notre contact, on peut sûrement, plus facilement poursuivre notre évolution à travers sa vie. Mais il y a des façons de le faire, une qui est, où on l'oblige, ça ne fonctionnera pas. Une où, ensemble, on évolue, on a du plaisir, ça a certains effets intéressants. Par imprégnation, on va se réincarner de toute façon. Puis, il n'y a aucun problème au niveau du reste de réincarnation. Comme ma famille, moi, au Québec, les Kemp, on est peut-être 80-90 maintenant. Alors, même si je n'aurais pas d'enfants, dans 90, nous, au moins, 2-3 vont en avoir, les enfants. Quels sont les effets de la drogue sur un thérapeute face à son travail énergétique? Est-ce que la santé des deux individus devrait en... devient en jeu énergétiquement? Bon, ça dépend des drogues, parce que comme la marie, l'alcool, ça détruit le périsprit, donc ça altère le corps astral progressivement, ce qui fait que l'individu peut devenir beaucoup plus sensible lentement, hein, ça prendra quelques années, aux pathologies psychologiques surtout, de ceux qu'il va rencontrer. L'héroïne, la coke, dépendant donc des drogues, il y aura un effet où le thérapeute risque d'avoir beaucoup plus de problèmes. Et nécessairement, ces patients sensibles, les patients qui ont un périsprit mince, vont par la suite aussi recevoir les problèmes du thérapeute, mais c'est à long terme, moyen terme, disons. Les drogues un peu plus fortes peuvent, elles, altérer directement le cerveau, ce qui va faire en sorte que l'intelligence pourra moins bien s'exprimer. L'astral va s'exprimer souvent d'une façon plus perverse. Et là, c'est le patient qui va commencer, lui, à moins bénéficier psychologiquement du contact avec le thérapeute. Est-ce possible que des forces divines empêchent le traitement s'il y a danger? Pas les forces divines, il faut comprendre deux choses. Le Dieu que l'humain connaît à l'échelle planétaire, c'est comme les pieds de Dieu. Bon. L'intelligence peut effectivement, l'esprit peut effectivement empêcher certaines guérisons de se faire parce que l'individu est plus important que l'événement. Mais là, on parle d'individus initiables, d'individus qui ont un cheminement de conscientisation assez avancé. Il y en a plusieurs. Bon. Dans d'autres cas, ce qui peut arriver, c'est que l'astral, les mémoires, se nourrissent tellement d'une maladie chez un individu qu'elles peuvent tout faire pour que l'individu ne guérisse pas. Continuer à se nourrir de ses cures, de ses plaintes, de ses recherches, de ses questions, etc. Donc, dépendamment des faits, il peut y avoir. Sauf que quand l'intelligence vous empêche de guérir, par exemple, tout ce qu'il vous faut pour guérir, c'est pas la foi, maintenant. C'est une raison intelligente de guérir. Et là, vous allez guérir. Pourquoi parle-t-on des chevaliers de la table ronde comme étant une légende? Et comment a-t-on su qu'ils étaient réels? Toutes les légendes partent de choses réelles. Mais à un moment donné, il y a des colorations et il y a surtout que dans certaines légendes du passé, dans certains événements du passé, il y avait de la magie. Quand l'humain commence à être rationnel, quand l'humain commence à être intellectuel, cartésien, quand l'humain commence à rejeter la spiritualité, l'ésotérisme, l'occultisme et nécessairement la magie, il va légendifier, c'est-à-dire qu'il va prendre des histoires et il va décider qu'il y a peut-être une partie de vrai, mais le reste, et progressivement à travers le temps, toute l'affaire au complet est fausse. Les chevaliers de la table ronde se réincarnent depuis quelques années sur le plan planétaire, donc ceux qui ont vécu à l'époque aussi. Et de ce fait, premièrement, la table ronde, elle existe, on peut la visiter. Mais j'annonçais que il n'y a pas longtemps, on avait découvert la tombe du roi Arthur. Donc, la légende restait légendaire, mais on a de plus en plus de gros problèmes. Robin de Huxley a existé aussi, Robin des Bois. Richard Cœur de Lion, même chose. Bon, il y a plusieurs phénomènes comme ça qui ont déjà existé. Il y a des conférences que j'ai faites sur le sujet, alors à un moment donné, si on veut fouiller un peu plus, on peut s'y référer. Mais quand on parle de légende, c'est uniquement comme ça. On parle d'entité naturelle. Il y a une légende qui dit qu'un jour, il y avait des villageois qui faisaient leur sieste vers l'heure du dîner. Et puis quand ils se réveillaient, ben, le meunier trouvait son blé moulu, le charpentier trouvait son bois placé, le bricoleur trouvait ses murs faits, etc. Et les gens ne comprenaient pas. Alors à un moment donné, ils ont dit « on va faire semblant de dormir et on va voir ce qui se passe ». Ils ont fait semblant de dormir, et là, c'est des lutins qui sont arrivés. Les lutins aimaient l'humain, travaillaient pour l'humain, alors les lutins ont commencé à faire le travail de l'humain, mais les humains ont eu tellement peur qu'ils ont pris des bâtons, des roches, puis ils ont chassé les lutins. Et depuis ce temps-là, l'homme ne voit plus les lutins. Les entités se cachent, ils ont peur de l'humain. C'est une légende. Eh oui, les enfants voient encore des lutins, mais ça, c'est parce que c'est des enfants. Les légendes sont toujours tirées de phénomènes vrais. Les fées, les hobbits, enfin, tout ça, ça existe. Être sûr qu'il ferait le ménage de la chambre de mes enfants, je me forcerais de les voir. Non, mais t'as pas remarqué que ils viennent... Ils le défont, peut-être? Oui. Ah, c'est ça. Parce que ça doit, parce que c'est jamais eux autres qui sortent. Mais non, ils jouent avec. Je pensais que c'était le chien. Ah. Peut-on réincarner les mémoires de d'autres vies? Absolument. Tout ce qu'il faut faire, simplement, c'est agencer. On parlait encore d'ondes de forme. L'exemple qui est le plus facile à donner, c'est un de mes amis qui fait de la peinture et puis qui a de la difficulté à faire de la peinture. Alors, je lui suggère de s'habiller comme Picasso, de s'habiller comme un peintre. Tu passais. Alors, il a mis un stachin bérec, une pinouche. Bon, il s'arrobe les cossins, puis là, il était bon. Il a l'air d'un Italien, bon. Et là, j'ai dit, tu as une pièce où tu mets tes affaires, ton atelier. Ne fais rien d'autre là-dedans. Tu sais, ça, c'est l'atelier. Alors, quand tu viens pour rentrer, tu te déguises, tu rentres. Et là, quand tu es entré, c'est pas long que tu vas voir. Puis quand tu sors, tu te dévais. Donc, tu changes d'égrégore, parce qu'il fallait aussi qu'il travaille. Puis les artistes en affaires sont souvent très problématisés. Alors, pour qu'il y ait deux égrégores différents. Puis effectivement, ça allait pour la peinture. J'ai une petite fille de 2 ans, et quand elle crie, elle pleure et pleure en voulant quelque chose, elle ne lâche pas et ça me rend très nerveuse et je sens que ça me déconcentre complètement, décentre complètement. Que se passe-t-il et que puis-je faire? Bon, dépendamment de l'enfant, c'est un enfant qui... faudrait voir l'enfant. Pourquoi? Parce que si l'enfant est efflon, et plus on recule en âge, plus on s'approche de la naissance, plus la pyramide de la quantité de téflon augmente, alors nécessairement, il faut procéder de certaines façons. Si l'enfant n'est pas téflon, d'une autre façon. Donc, la meilleure chose, ça serait soit de consulter les livres, minimum, le syndrome de l'enfant téflon, pour nous donner une idée si l'enfant est téflon ou non. Par la suite, là-dedans, il y a suffisamment de conseils. Il y a aussi des livres audio et des cassettes. Ça serait la première chose à faire. Pourquoi? Parce que sinon, on n'agira pas de la même façon à cet âge-là avec un enfant. Parce que si elle est téflon, elle sait, elle gagne, elle manipule, c'est évident qu'elle ne lâchera pas. Il faudra donc développer une relation particulière, puis une expression, un rayonnement particulier chez soi qui va faire en sorte que l'enfant va finir par nous respecter. Si l'enfant n'est pas téflon, dépendamment de ce qu'il y a à l'intérieur, il y aura des mécaniques traditionnelles qui pourront être appliquées et qui seront aussi très, très fonctionnelles. Mais si l'enfant est téflon, les mécaniques traditionnelles ne vont faire en sorte, dans la majorité des cas, que d'amplifier sa problématique. Alors, on pourrait donc se référer... Il y a un mur entre mon fils et moi, il a 15 ans. Je l'aime, mais je suis incapable de lui manifester. Se peut-il qu'il réincarne son père qui me laisse indifférent? Bon, pas se peut-il. On pourrait considérer que dans 95% des cas, c'est de toute façon ce qui va arriver. Mais il y a aussi une projection, il réincarne, il n'est pas 100% le père. Ah, bon, le père le laisse indifférente, mais le père à 15 ans, peut-être qu'elle l'aurait bien aimé. D'ailleurs, elle l'a marié. Maintenant, le père, elle le laisse indifférente. Donc, l'enfant peut réincarner des principes du père, et la mère peut aussi, inconsciemment, l'ego de la mère peut faire une projection où le peu du père chez l'enfant suffit à considérer que, astralement parlant, l'ego va dire « c'est comme le père ». Donc, ce n'est pas nécessairement totalement le père qui est dans l'enfant, et puis nécessairement, il y aura des vapeurs. Maintenant, quand on dit « on a fait un mois sur l'amour »,« j'aime mon fils », est-ce que ça veut dire je me nourris de mon fils, je veux me nourrir de mon fils, donc je veux têter mon fils. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'amour intelligent suffisamment établi entre le fils et la mère, donc nécessairement ça ne passera pas si le fils ne veut pas alimenter sa mère. Il n'y a plus rien à faire. Au niveau de la relation intelligente, il y aurait plusieurs choses à faire. La seule chose qu'il y a, évidemment, c'est qu'il est rendu à 15 ans. Plus souvent qu'autrement, le fils a déjà réincarné des parties relativement normales, donc standard de l'évolution des enfants. Et peut-être qu'il est dans une phase, justement, où il rejette l'autorité des parents, de la mère, etc. Si le père se réincarne un peu dedans, il peut se rapprocher du père et rejeter la mère si le père fait la même chose, mais bon, il y aura une coloration, donc une influence. Et pour recréer une relation, je ne peux pas répondre comme ça en 30 secondes, évidemment, ça dépend de l'enfant, ça dépend de la mère, ça dépend de l'incidence du père entre les deux. Hein, le père ou la mère ou l'enfant peut créer des problèmes entre la relation des trois parties. Donc, on ne peut pas répondre comme ça. Mais une chose qui est évidente, c'est que le fils peut réincarner du père. Il faut faire attention aussi pour ne pas dire « Hey, réincarne le bonhomme, pour ça je ne l'aime pas. » C'est que vous pouvez ne pas aimer une ou deux choses chez le père, puis l'enfant a peut-être des prémices du même âge qui ont donné cela chez le père, puis on peut renier l'enfant au complet pour ça. Pas toujours inconsciemment. Là. Je ne dis pas que mentalement, c'est ce que vous voulez faire. Vous posez la question, donc, c'est pas ça que vous voulez faire. Elle lui-même manipuler. Parce que c'est ce qui est fait. C'est pas ce qu'on veut faire. Donc, on doit faire attention. Et la meilleure façon de parvenir à avoir une communication énergétique à un moment donné avec le fils, ça prend un laps de temps. Ça peut prendre 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est comme l'évolution. C'est prendre un autre chemin. Puis souvent, les personnes disent 4 ans, 3 ans, 2 ans, tabarouette, ça n'a aucun sens. Oui, mais bon, un jour, il aura 20 ans, puis vous serez là, puis il n'y aura rien de changé. Puis là, vous pourrez dire, 5 ans, ça a passé. Donc, si j'aurais, ça ferait peut-être 2 ans que ça serait réglé. Parce qu'on est souvent impatient dans les résultats. Quand je dis aux gens, pour évoluer, on regarde la structure du PMC, Programme Maître Contrôleur, qui, de base, ça s'échelonne sur 3 ans, il y a personne qui trouve que c'est long. Puis après 3 ans, est-ce qu'on a fini? Non, après 3 ans, vous êtes prêt à être libre. Vous êtes prêt maintenant à partir, à travailler. C'est comme toujours trop long. C'est la même chose au niveau de la relation affective ou de la relation énergétique avec son fils, par exemple. Pendant quoi? 5 ans? 6 ans? 7 ans? 15 ans peut-être? On a travaillé le mur. Ben, il faudra rapidement, en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, contourner le mur. Ça prend un laps de temps. On doit commencer par s'apprivoiser, on doit s'inhiber pour arriver à un respect forcé, on doit se désinhiber, jamais se libérer. Bon, il y a pas que des petites choses comme ça qui doivent être faites. Sur les effets de la cocaïne ou toute autre drogue, est-il normal et à la portée de tous les individus dans cet état de conscience, entre guillemets, de voir le double divin et l'aura? Est-ce que l'on est et comprend? Est-ce que l'on voit et comprend, je crois? Est-ce une manipulation astrale inférieure ou est-ce que nous atteignons un stade plus élevé de perception? Doit-on s'en méfier? Voilà. La personne ici, elle est très brillante. Pourquoi? Parce qu'elle répond en même temps à ces questions. Et c'est le cheminement qui nous amène un jour à être notre seul maître, où on n'a plus de questions et plus de réponses, parce qu'instantanément, c'est clair. C'est évident que plusieurs drogues nous permettent d'atteindre des niveaux, et c'est très bien dit, des niveaux de perception supérieure, et non pas des niveaux d'évolution supérieure ou des niveaux d'énergisation supérieure, des niveaux de perception. Et c'est une problématique, c'est que ça vous permet de voir dans des mondes où vous n'êtes pas admis. Alors, les individus peuvent se redroguer souvent pour être dans ce monde, mais ils sont là réellement par la fenêtre. Mais avant, ils sont en bas, donc ils sont mieux, ils veulent voir. Alors, effectivement, ils peuvent voir des doubles éthériques, ils peuvent voir des entités, ils peuvent voir plusieurs choses. Ils sont en dédoublement astral, donc ils sont capables de voir la couleur beaucoup plus plaisante. C'est pas le corps physique qu'ils voient, c'est une perception vitello-astrale. C'est extraordinairement génial. Comme une personne, par exemple, qui pratique suffisamment d'autres techniques, qu'une vie ou une fille, comme ces personnes peuvent arriver à faire aussi, à voir. La problématique de la drogue, c'est que ça use le corps physique, ça vous donne une perception, ça ne vous amène pas là, ça vous informe de ce qu'il y a. Bon, puis après ça, vous restez accroché à la forme, bien, vous ne pouvez pas monter à la forme. Regardez toujours la vidéo de conditionnement physique, parce que c'est au bout, puis ça nous donne le goût, ça ne nous rend pas en forme. Il faut qu'on l'éteigne, qu'on aille courir. C'est bien différent du vidéo. Dans 2, 3, 4, 5 ans, peut-être qu'on pourra faire une vidéo qui soit comparable. En attendant, il faut qu'on y aille. Alors, est-ce qu'on doit s'en méfier totalement? Parce que c'est une perception. Exactement comme si des personnes de temps en temps dans des séminaires qui me disent « Bon, oui, mais j'aimerais voir, j'aimerais avoir une preuve, etc., etc. » Dernièrement, on a fait une expérience où, à travers de l'énergie vitale, on a même densifié l'énergie vitale assez qu'il y a eu une apparition ectoplasmique. Tout le monde maintenant a la preuve, mais les individus qui étaient là ne cherchaient pas la preuve, faisaient un travail. C'est pour ça que ça fonctionne bien à ce temps-là. Avoir eu une personne qui aurait voulu avoir une preuve d'eux, il y aurait eu une preuve d'eux. D'après. Il le savait déjà, mais il ne faisait pas confiance à ce qu'il savait. Il voulait une confirmation. Puis dans 6 mois, il ne sera même pas sûr s'il a vécu la chose. Il ne sera pas plus avancé. Alors, il va vous dire, j'aimerais avoir une preuve, pour se servir à avoir des preuves, il fera jamais rien d'autre. Qu'est-ce qu'un guide de lumière? Bon, exhaustivement, j'en ai parlé dans la conférence, les guides de lumière de demain. Je parle des guides de lumière du passé, d'aujourd'hui, et de ce qu'on devrait s'attendre, de comment on devrait les voir. Un guide de lumière, traditionnellement, ésotériquement, c'est surtout un personnage qui est un exorciste qui s'appelait Frank Schaffner, qui a amené, surtout sur la sellette, les guides de lumière, mais c'est un terme ésotérique qui vient du passé. C'est, et spirituellement, ésotériquement, dans l'image des gens, une personnalité qui est décédée, évoluée, un guide lumineux qui vient et qui va vous diriger dans votre vie pour vous indiquer le bon chemin. Dans la réalité des choses, ça commence toujours comme cela, ça vient chercher votre vie, votre énergie, et ça finit, dans la majorité des cas, assez mal. Donc, on ne suit pas un guide de lumière. Tant qu'il nous dit ce qu'on veut entendre, il a raison. Quand il nous dit ce qu'on ne veut pas entendre, il a tort. Simple. C'est nous autres qui devons décider. Lorsque notre inconscient choisit un amoureux comme étant nôtre, cela signifie-t-il que ces êtres se rapprochent de notre double divin, car ils ont tous des points communs?